Bienvenue sur la Radio Moderne et le Balado 40. Au programme cette semaine, Olof Arnalds qui nous reprend Bruce Springsteen, Lee Perry, Astrid Monroe et Genesis P. Ridge, Bay Bay et Sean Lee, Aston Barrett, Dominion, Bob Dylan, Albert Marker, Hadouken et James Stith. C'est parti. Couldn't work. volèrent en éclats tous les deux. Le verre et le sang giclèrent sur trois autres hommes qui s'approchaient avec précaution le long du mur. Mix bondit, toucha le sol et fit feu sur trois paires de jambes collées les unes aux autres. Sa main libre jaillit et dégagea un revolver du ceinturon d'un mort. Cri dans la cour, bruit de pas de course sur le gravier. Mix laissa tomber le fusil et se précipita en trébuchant jusqu'au mur. Direction les mecs descendus, le goût du sang aux lèvres, une balle chacun dans la tête à bout portant. Bruit de pas dans la cour, deux fusils à portée de main. « On l'a eu !» hurla Mix. Il entendit des hurrahs en réponse et vit bras et jambes qui sortaient par la fenêtre. Il ramassa le flingue le plus proche et laissa cracher en tir automatique. Des cibles prises au piège, le plâtre qui vole en éclats, le bois sec qui s'enflamme. Il enjamba les corps, direction l'intérieur de la pièce. La porte d'entrée était restée ouverte. Ses pistolets étaient toujours posés sur le rebord de la fenêtre. Un bruit bizarre comme un cognement. Mix vit un homme à plat ventre, en train de le coucher en joue derrière la caisse du sommier. Extrait de LA Confidential, James Ellroy. pied gauche à 5 cm du bord du trottoir. Son poids avait écrasé le lierre tout autour d'elle. L'automne et Alinen ont contemplé le corps. La rigor mortis s'installait, la main droite serrée de la victime s'était rigidifiée. Alinen a remarqué une bague avec fausse perle majeure. L'automne a dit que cela pourrait aider à identifier la femme. Le visage de la victime s'était légèrement violacé, cas classique d'un corps largué aux petites heures de la nuit. Vic Cavallero a dit aux entraîneurs et aux gamins joueurs de baseball de rentrer chez eux. Dave Wire et Virg Ervin se sont mêlés aux civils. Est apparu le sergent Harry André, un homme de la criminelle du shérif, qui n'était pas de service et brûlait de donner un coup de main. La presse est arrivée, quelques adjoints de Temple City sont passés à vitesse de croisière pour jeter un coup d'œil à la scène. La moitié des 26 hommes de service de police d'El Monte sont passés là. Les cadavres de femmes blanches attiraient toujours du monde. L'adjoint du coroner est arrivé. L'adjoint photographe lui a dit qu'il pouvait examiner la victime. Alinen et Lawton se sont frayés un chemin pour regarder. L'adjoint du coroner a soulevé l'impair qui couvrait la partie inférieure du corps. La femme ne portait pas de combinaison, de gaine ni de culotte. Sa robe était remontée au-dessus des hanches. Pas de dessous ni de chaussures. Un seul bas entortillé empli autour de la cheville gauche. Contusion et petite lacération à l'intérieur des cuisses. Une marque d'écorchure sur la hanche gauche. On l'avait traînée sur l'asphalte. L'adjoint du coroner a retourné le corps. L'adjoint photographe a pris quelques clichés du dos de la victime. Le dos était mouillé de rosée et montrait des signes de lividité post-mortem. L'adjoint du coroner a dit qu'elle était probablement morte depuis 8 ou 12 heures. On l'avait larguée là avant le lever du soleil. La rosée dans son dos en était un indice évident. Extrait de Ma part d'ombre de James Ellroy. Thank you. Pour la première fois de l'histoire, il n'y a plus de décalage comme à l'époque d'Elvis Presley ou de la vague Twist. Mais malgré ce direct, cette nouvelle déclinaison du rythme binaire trouve un écho peu favorable chez nous. Il n'est pas très difficile de comprendre pourquoi, tant le rock et la langue de Charles Trenet sont deux concepts qui se conjuguent mal, surtout dans des esprits encore habitués aux traductions des chaussettes noires de Johnny Hallyday et autres yéyés. Le principal obstacle est donc culturel et aucun artiste estampillé de la nouvelle étiquette punk, à l'exception de Plastic Bertrand, ne parviendra à cartonner de ce côté-ci de la planète où le réseau des salles de concert, tout comme celui des maisons de disques, en est encore à l'âge de pierre. Par contre, outre-Atlantique et outre-Manche, Richard Hell, les Ramones, les Clash ou les Sex Pistols se voient offrir des ponts en or pour signer. Extrait de « Nos années punk » de Christian Hudley. I'm on a rolling river in a ticking boat. back to me. Somebody wrote about dignity. Sick man looking for the doctor's cure. Looking at his hands for the lines that were, and in every masterpiece of literature, the dignity. Englishman stranded in a black hot wind, combing his hair back, his future looks thin. He bats the bullet and he looks within. My dignity. Someone showed me a picture, I just had to laugh. Dignity never been photographed. I went into the red, went into the black, went into the valley of revelry. So many roads, so much at stake. So many dead ends and I'm at the edge of the lake. Sometimes I wonder what it's gonna take. To find dignity. Sacrée santé, mais depuis quelque temps, il ne causait plus tout seul. Il ne sifflait plus son vieux corbeau. Il se sentirait la force d'aller se nouer. Bonjour, Père Grimoine. Ça fait plaisir de te voir. T'es tout triste, mais faut pas. Bientôt ça ira mieux. Allez, Père Grimoine, un effort. Debout, Père Grimoine, debout, Père Grimoine. Debout, Père Grimoine, debout, Père Grimoine. Debout, Père Grimoine, debout, Père Grimoine. Un jour le Père Grimoine s'est levé. Il a enlevé le lierre de sa façade. Sa belle fille envisage d'aménager la mansarde. C'est dans l'ordre naturel des choses. Alors qu'en 1973, il est quasi impossible d'envisager de prendre les armes et de se lancer dans la grande aventure, 3 ans plus tard, les différentes factions partent en guerre. En tête, on trouve les groupuscules de la capitale. Asphalt Jungle, Stinky Toys, Metal Urbain, Bijoux, 1984. Juste au pas, la vague rouennaise, les Dogs, les Olivenstein, et la vague lyonnaise, Star Shooter, Electric Callas, Marie et les Garçons. Les dés sont jetés et rien ne pourra plus les arrêter. De plus, outre les papiers de la Sainte Trinité susnommée, Adrien, Eudlin, Pacadi, les organes de propagande se multiplient. Michel Esteban crée un journal, Rock News, dans lequel il est pratiquement le premier à parler des punks américains, Ramones, Richard Hell, Patti Smith, et des punks anglais, Sex Pistols, Damned, 101ers. Il ouvre en parallèle un magasin de t-shirts et de disques, Harry Cover, à quelques mètres de son concurrent, l'Open Market. Les Halles deviennent le quartier général des punks hexagonaux. Les bandes s'organisent et se prennent en main. Asphalt Jungle et Stinky Toys sortent tous deux un 45 tours au printemps 77. Le punk rock français est né. Les groupes ne vont pas tarder à pousser comme des champignons. Extrait de Nos années punk, Christian Eudlin. Don't you feel the fire? Don't you feel the fire? speak. L'adjoint photographe a refait quelques clichés. L'adjoint du coroner et son assistant ont soulevé le corps. Il était encore flasque. La rigueur mortis ne s'était pas totalement installée. Ils ont transporté la victime jusqu'à leur camion et l'ont placée sur un chariot. Alinen et Lawton ont fouillé le tapis de lierre et le trottoir contigu. Ils ont trouvé une antenne de voiture cassée sur la route. Ils ont trouvé une série de perles dans le lierre aplati, près de l'endroit où le cadavre avait été largué. Ils ont ramassé les perles cerclées de craie et les ont enfilées sur le collier. Ils ont vu qu'il n'en manquait aucune. Le fermoir était intact, le fil était cassé en son milieu, ils ont saché les morceaux de collier comme pièce à conviction. Ils n'ont pas retrouvé les sous-vêtements, les chaussures ou le sac à main de la victime. Ils n'ont pas repéré de traces de pneus dans le gravier en bordure de trottoir. Rien n'indiquait qu'on avait traîné un corps sur King's Row. Le lierre à proximité du cadavre ne semblait pas piétiner. Il était 13h20, la température était remontée jusqu'à près de 35 degrés. L'adjoint du coroner a pris des échantillons de cheveux et de la toison pubienne de la victime. Il a coupé les ongles du cadavre et placé les rognures dans une petite enveloppe. Il a fait déshabiller le corps et l'a fait étendre sur le dos sur un chariot. Il y avait un peu de sang séché sur la paume droite de la victime. Il y avait une petite lacération près du milieu du front de la victime. Le téton droit de la victime manquait. L'aréole était plissée de tissu cicatriciel blanc. Cela s'avéra une vieille amputation chirurgicale. Alinen a ôté la bague de la victime, l'adjoint du coroner a mesuré le corps et obtenu une taille d'1m67. Il a estimé le poids à 60 kg. Lawton est parti téléphoner les renseignements au répartiteur du quartier général et à la brigade des personnes disparues. Extrait de Ma part d'ombre de James Elroy.